tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Pourrait-on affirmer que celles et ceux qui n'ont pas vécu avant la révolution de 1968 n'ont pas connu la douceur de vivre? Et que, en revanche, quiconque habitait notre douce France en 1967 évoluait dans un océan d'émerveillement et de délices? Tout dépendait de tas de choses. Certes, nous étions en République, et en République, nous recevons tout le monde, ainsi que l'affirmait un cafetier parisien. Des cafetiers, des passants, de braves gens, de moins braves gens, des étudiants, des assistantes sociales, l'exercice ô combien radiophonique et sociologique du micro-trottoir se pratiquait, par chance, cette année-là, et un demi-siècle plus tard, le résultat n'a rien perdu de son pouvoir d'évocation. La France qui n'est pas la France, le racisme en France et les travailleurs étrangers, par Pierre Paraff et Pierre Debrange. Réalisation Claude Mourté, première diffusion sur France Culture le 19 avril 1967. Monsieur Pierre Paraff, président du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Il existe sur notre terre une France qui n'est pas la France. Ces 2,5 millions de travailleurs étrangers que les conditions politiques et économiques de leur pays ont amenés chez nous et dont la présence ne peut manquer de créer des problèmes administratifs, sociaux, humains. Il existe aussi, selon un vers fameux de Senghor, jeté comme un cri sous l'occupation, une France qui n'est pas la France, ou plutôt des Français qui ne sont pas la France, et qui parfois, malgré eux, ont posé un masque de petitesse, de prévention hargneuse ou de silence sur son visage fraternel. C'est à la rencontre de l'une et de l'autre que l'enquête de France Culture nous conduira. Et tout naturellement, bien qu'il ne soit pas le seul responsable des malentendus, c'est le mot de racisme que nous trouverons tout d'abord sur ce chemin. Un mot relativement neuf, un mal très ancien, il plonge dans la préhistoire, il incarne la réaction de la bête qui sent sa proie menacée, la haine instinctive pour celui qu'on croit plus faible que vous. Le racisme revêt des formes fort diverses. Il y a le racisme du clan, de la tribu, de la nation. Il y a le racisme religieux qui fait brûler, lapider, pendre, crucifier au nom d'un dieu d'amour ceux qui n'observent pas la même foi. Il y a le racisme social qui s'est toujours exercé, qui s'exerce à tous les échelons de la société contre les plus pauvres et qui peut provoquer à son tour un contre-racisme contre la collectivité des riches. Le racisme psychologique qui ne supporte pas les dissemblances ou qui suscite chez les plus civilisés, les plus humains, la volonté obstinée de les nier. Le racisme de couleur qui se traduit par une répugnance physique ou par une crainte de l'homme qui n'a pas la peau blanche. Il y eut, voici 21 ans, le racisme intégral tel que le doctrina, le pratiqua le nazisme, qui résuma en lui toutes ses formes de racisme et qui tira de la prétendue supériorité de certains groupes humains les conséquences les plus cruelles: ségrégation, oppression, extermination. L'enquête que nous vous présentons ce soir n'est pas consacrée à l'historique, à l'analyse d'un sujet qui, à beaucoup d'entre vous, est familier. Le racisme n'est-il pas devenu l'un des termes du vocabulaire de l'homme de la rue? Tel qu'il ne s'en souciait pas naguère, on parlait surtout d'une des formes spéciales du racisme, qui est l'antisémitisme, se pose aujourd'hui le problème. Pressé dans ses retranchements, lorsqu'il lui échappe un propos ou un geste entaché de racisme, il se récrie comme pris en flagrant délit contre la mode du jour qui tente à rendre au tiers-monde sa juste place. « Je ne suis pas raciste », avec un « mais » qui corrige bien vite cette louable affirmation. D'autres se livrent à une psychanalyse plus poussée et confessent « nous sommes tous des racistes ». Comme on a dit aussi, nous sommes tous des assassins. Au seuil de cette émission, traçons-en d'abord les frontières. Ces heures consacrées au racisme ne seront pas des heures de doctrine ou d'histoire, même la plus récente, mais des heures de témoignage du présent. Ainsi, l'émission exclura, puisque le thème fut maintes fois traité par l'ORTF, encore qu'il demeure, face à la renaissance du nazisme, d'une troublante actualité, le racisme antisémite. Elle sera concentrée autour des formes de racisme dont peuvent souffrir les familles ethniques de ces travailleurs étrangers ou d'outre-mer, qui vivent en France, qui lui apportent leur labeur, ayant fui le chômage ou les persécutions politiques de leur pays d'origine, qui, lorsque la France est en péril, lui ont fait l'offrande de leur sang. Parmi ces immigrés, des statistiques assurent que sur près de 50 millions, nous comptons 2 700 000 étrangers, nous avons interrogé pour vous certains d'entre eux à Paris, dans la région parisienne. Les travailleurs d'Afrique du Nord, les travailleurs d'Afrique noire, les travailleurs des Antilles et de la Guyane, qui eux sont des citoyens français. Dans une prochaine émission, nous entendrons les travailleurs portugais, ceux de la grande famille errante et parfois sédentaire, les tziganes et les gitans. Et nous avons consulté aussi les autres intéressés, les parisiens, dont les réflexes sont souvent instinctifs et qui parfois n'avaient pas eu l'occasion de réfléchir à ces problèmes. L'interrogation du reporter est venue projeter sa lumière, agiter des préjugés, des idées, des sympathies ou des antipathies qui surgissent du subconscient. Au fur et à mesure qu'elles s'expriment, elles se précisent ou au contraire sont tout près d'être reconsidérées, d'être revisées par celui ou celle qui les laissa s'échapper. Il se peut que de part et d'autre, certaines de ces réponses vous choquent, comme elles nous ont choqué nous-mêmes, que certaines de ces allégations soient contestées. Nous vous demandons d'attendre la fin de l'émission pour juger. De temps à autre, puisque c'est France Culture qui présente ses heures consacrées au racisme, nous laisserons la parole aux conteurs, aux poètes. Leur chant montera comme un prélude, un contrepoint, un interlude, au milieu de ces témoignages assez divers, assez contradictoires pour assurer que l'enquête est objective, qu'il ne s'agit ni d'exagérer ni de contester la réalité et l'actualité du mal, mais de le capter à ses sources, de le regarder en face, parce qu'il n'est de remède efficace à de tels maux que la vérité. Seigneur, éloigne de ma mémoire la France qui n'est pas la France. Ce masque de petitesse et de haine sur le visage de la France. Ce masque de petitesse et de haine pour qui je n'ai que haine. Mais je peux bien haïr le mal, car j'ai une grande faiblesse pour la France. Béni ce peuple garrotté qui par deux fois sut libérer ses mains et osa proclamer l'avènement des pauvres à la royauté, qui fit des esclaves du jour des hommes libres, égaux, fraternels. La France qui n'est pas la France. Une émission de Pierre Paraff réalisée par Claude Mourté. Interview et témoignage recueillis par Pierre Debrange. Monsieur, je vais vous poser une question très très indiscrète. Il y a dans ce quartier pas mal d'Algériens et de Noirs. Est-ce que vous aimez les Algériens ou est-ce que vous ne les aimez pas? Personnellement, moi je suis pas raciste. Hein. Et vous-même, monsieur? Moi non plus, pas raciste non plus. Je suis pas raciste, mais... Après, il y a assez de Français en France. Hein. Dans le fond, on les critique, mais on les connaît pas vraiment. Moi, pour mon goût personnel, je les aime pas. Ils me font peur, ils sont méchants. Ma foi, je serais plutôt partisan qu'ils restent chez eux. Je sais pas, je suis raciste, mais d'Algérie, j'aime pas ça. Je vais vous dire, je peux pas les encadrer. Je dis qu'il y a encore des imbéciles dans le monde qui sont encore racistes. C'est bien triste. Et puis, c'est surtout une question d'éducation avant tout. D'éducation ou d'inéducation. Lorsqu'on voit des blanches avec des noirs, ça fait plutôt une drôle d'impression. Sans être raciste, je n'aime pas les personnes qui rabaissent les femmes. Je sais pas, ils m'inspirent pas confiance. Je sais pas si les journaux ou la radio exagèrent, mais enfin, ça commence à faire peur. Moi, je suis pas raciale. Il y en a qui sont très bien. Moi, j'en connais qui travaillent, ils sont très raisonnables, très sérieux, ils ont des enfants. Par contre, il y en a d'autres qui fichent le bordel, quoi. Dans le temps, j'en ai eu 600 sous mes ordres, dans la région de Forbach, et... C'est des gens, il faut être derrière, pas pour les faire travailler. Sans être racial, parce que je suis antiracial. Feignant et sale. Les Algériens, j'ai eu des discussions avec eux. Hein. Quand ils ont bu un petit verre, oui, la plupart ont toujours tendance à chercher la bagarre. C'est peut-être pas partout pareil, hein, j'en sais rien, mais ici à la Bastille, je sais que ça donne pas grand-chose de bien. Hein. Bon, ils ont le monopole de plus en plus sur les femmes. Hein. Je trouve qu'ils sont sadiques, ils font... Je sais pas, je trouve que la plupart des viols, ça rapporte aux Algériens. Ils ne voulaient plus transiger. Alors je vois pas pourquoi ils viendraient ici chez nous. Ils n'ont qu'à rester chez eux. J'ai peur de la foule de mes semblables au visage de pierre. De ma tour de verre qu'habitent les migraines, les ancêtres impatients. Je contemple toits et collines dans la brume, dans la paix. Les cheminées sont graves et nues. À leurs pieds dorment mes morts. Tous mes rêves faits poussière. Tous mes rêves, le sang gratuit répandu le long des rues, mêlé au sang des boucheries. Et maintenant, de cet observatoire comme de banlieue, je contemple mes rêves distraits le long des rues, couchés au pied des collines, comme les conducteurs de ma race sur les rives de la Gambie et du Saloum, de la Seine maintenant, au pied des collines. Monsieur, pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers en France ? Non, pas particulièrement, je ne pense pas, pourquoi ? Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Il n'y a pas que moi qui le pense, hein ? L'autre jour, je suis passé à la mairie, payé, faire une course, et puis au bureau du chômage, j'ai vu quand même une centaine d'Algériens, il y avait peut-être une dizaine de Noirs. Et Français, j'en ai pas vu pratiquement, enfin, je ne sais pas. Il a fallu que je me bouscule pour aller faire ma course à la mairie, ce que j'avais à faire. Tous les Français cherchent du travail, ils en trouvent. L'Algérien et le Noir aussi un peu se met au chômage en France et ça, ça me déplaît énormément. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fait une demande de logement, j'en ai jamais eu. Et eux, ils arrivent tout droit là et ils ont des appartements de toute beauté. Et ils ont droit à tout, à tous les secours et nous, on n'a droit à rien. Question de bien-être, ils ont un bien-être certain et que les maires, les communes leur accordent pas mal de choses. On leur fait plus de cadeaux qu'aux Français. Ils n'ont plus d'avantages avec les maires communistes. Des colis de mairie et tout. Et vous, vous allez pleurer, on vous dit, ben, vous êtes jeune, vous n'avez qu'à travailler. Les hôpitaux, la sécurité sociale et tout ça, c'est plein d'Algériens, beaucoup d'Algériens et peut-être un petit peu de Noirs, mais enfin ça je peux pas le dire. Mais je sais beaucoup d'Algériens qui sont à l'assurance et pour un oui ou pour un non, ils sont tout de suite arrêtés. Quoi. Est-ce que vous connaissez les Algériens ? Je ne connais pas personnellement. Il y en a qui sont valables. Il y en a qui sont très bien, puis d'autres qui ne valent rien du tout. Ça, c'est comme dans tout. Vous avez des bons Français, puis vous en avez des mauvais. Il y en a quand même dans la quantité qui ne sont pas très bien. C'est ce qui gêne peut-être pour les autres. C'est quand même une race qui n'est pas comme les Européens. Je sais bien qu'ils ont des problèmes, mais je sais qu'également, on a des difficultés avec tout le monde, avec des Français, avec des Nord-Africains, mais je pense qu'il faut vivre avec les gens, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on les aime. Il faut vivre en contact avec eux. On les voit de très loin, alors si on fréquentait, et on serait davantage. On a une petite répulsion, ça je reconnais, on a quelquefois une petite répulsion. Que pensez-vous du racisme, monsieur ? Racisme, c'est une philosophie absolument dépassée. À l'époque de l'atome, c'est quelque chose d'absolument impensable. Absolument impensable. Pourtant, il y a en France encore beaucoup de gens qui sont racistes, qui par exemple... Par jalousie, parce qu'il y a des gens qui enlèvent la place à d'autres. C'est une question purement d'égoïsme. Vous avez des enfants, monsieur ? Oui. Si vous aviez une chambre à louer, est-ce que vous la loueriez facilement à un étudiant de la Côte d'Ivoire ? Oui, j'avoue que c'est un peu difficile. Ça, c'est quelque chose d'assez délicat. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai des filles. Et vous craignez que... Je ne suis pas libre dans le racisme jusqu'au point de donner ma fille à un noir. C'était hier, la Toussaint. L'anniversaire solennel du soleil. Et nul souvenir dans aucun cimetière. Ô mort, qui avait toujours refusé de mourir, qui avait su résister à la mort jusqu'en Cine, jusqu'en Seine, et dans mes veines fragiles, mon sang irréductible, protégez mes rêves, comme vous avez fait vos fils, des migrateurs aux jambes minces. Ô mort, défendez les toits de Paris dans la brume dominicale, les toits qui protègent mes morts. Que de ma tour dangereusement sûre, je descende dans la rue avec mes frères aux yeux bleus, aux mains dures. Dans toute la France, la plus raciste que c'est le Paris. Parce qu'ici, il y a des 100 différences ici à Paris, plus que la province. À rapport de Marseille, à rapport de Montauban, à rapport de Lille, Le Havre, et tout, c'était mieux pour l'Africain. Mais Paris, c'est plus raciste. Bien sûr, il y a des bons et des mauvais dans toutes les races, mais pas plus tard que ce matin, j'ai vu sur le journal qu'une femme à Bagneux a été violée par 4 Nord-Africains. Et Paris Jour disait le contraire, que la fille a été violée par un jeune blouson noir. Quand il y a quelque chose qui se passe, automatiquement, c'est les Algériens. Partout sur des cafés, par exemple, surtout sur les balles, sur les endroits où il se présente quelque chose, tu rentres comme ça, puisqu'ils te voient, que tu te présentes comme un Algérien, ça y est. Mais c'est eux toujours qui nous cherchent. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis obligé de laisser tomber, pas plus. De toute façon, on ne refuse jamais à boire un Algérien ou un Noir. Ça fait partie d'une attitude très libérale, on ne refuse pas. On ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, et on ne sait pas qu'il est là. Alors je me présente au comptoir, je demande quelque chose, le garçon ne m'entend pas. Je redemande une deuxième fois, le garçon ne m'entend pas. Si je veux qu'il m'entende, je fais un scandale. Or, comme je ne veux pas faire de scandale, je m'en vais. J'ai rentré dans un café, ils ont rentré dans le manger. Tout le monde pose les cuillères et se retourne. Ils me regardent. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous regardez? Je ne suis pas à la télévision pour me regarder tous comme ça. Vous n'avez jamais vu un homme? Vous n'avez jamais vu un Algérien? Personne qui m'a dit quelque chose. Il y a que le patron qui m'a dit non, c'est rien du tout. J'ai dit pourquoi ils me regardent tous là. Pendant ces vacances, j'étais en voyage d'études à Avignon. Alors là-bas, je suis descendu du car parce qu'il y avait un car qui nous transportait. Nous étions tous des Africains. Enfin, il y avait quelques Français avec nous. Alors moi, j'ai été avec deux camarades. Quand nous sommes descendus du car, il faisait chaud. On voulait nous rafraîchir. On s'est installé dans le café, à la terrasse. Puis le barman est venu avec un air bien bizarre. Il nous dit tout doucement que si vous êtes des Algériens, on ne peut pas vous servir. L'exemple du racisme courant, c'est un exemple que j'ai eu à raconter parce qu'il est assez amusant, qui s'est passé à Bordeaux, à l'époque où je faisais mes études. Donc, on cherchait à se loger. Et moi, j'étais resté à Bordeaux pendant ces vacances-là et j'avais trouvé assez facilement dans un petit hôtel une chambre. Et un de mes amis, camerounais comme moi, était allé en vacances au Cameroun et nous avait écrit, nous demandant de lui chercher une chambre. Et étant donné les difficultés que tous les étudiants rencontrent lorsqu'ils cherchent une chambre, je m'étais adressé à un autre copain français, lui, en disant « John va rentrer, il faut lui trouver une chambre ». Et cet ami, d'ailleurs, a trouvé une chambre. Il m'a dit « De toute manière, il n'y a pas de problème, j'ai retenu une chambre chez une dame ». Et au retour de John, il n'y a pas de problème, il est tout à fait d'accord pour un étudiant, il veut bien le loger. Et John arrive et on l'accompagne donc avec Bernard chez cette dame. Il frappe, il y a une dame, c'est une maison bourgeoise d'ailleurs, comme il y en a souvent à Bordeaux, qui ouvre, dit « Monsieur ». Alors Bernard le dit « Bonjour madame, voilà, je suis venu l'autre jour, j'ai retenu une chambre pour un de mes amis étudiants et je vous l'amène ». Alors il y avait donc deux Africains, deux Noirs et un Français blanc. La dame, assez inquiète, regarde et dit « Où est donc cet ami ?» Alors Bernard montre John, dit « C'est lui, madame ». Alors on a eu cette réponse absolument déconcertante, la dame qui a dit « Mais mon jeune ami, je vous ai demandé un étudiant, mais non pas un nègre ». Où j'ai connu beaucoup de ces exemples, c'est surtout chez les travailleurs. Chez les travailleurs qui sont obligés de recourir à une solution finale qui est d'habiter des bidonvilles, de se faire exploiter eux-mêmes par d'autres Algériens qui les logent à 6, 8, 10 dans les caves, ou d'aller dans les foyers destinés, vous savez, ces grands foyers où l'on parque les Algériens, où ils habitent à 2 ou 3, où l'on divise le loyer en 3, où ils vivent dans des conditions absolument lamentables. Mais je connais très très peu d'Algériens ouvriers, sortant d'une couche sociale très très basse, qui vivent actuellement dans une chambre privée. Absolument rien n'est prévu. Dès que vous arrivez en France, c'est à vous de vous débrouiller. Vous êtes libre, vous êtes chez vous, vous êtes en France, on vous le dit. Plus ou moins, quand vous allez ailleurs, on vous dit, bien monsieur, vous êtes français, vous n'avez qu'à vous débrouiller. Puis au moins, simplement, rien n'est fait. Quelles sont les solutions qu'il faudrait adopter pour améliorer ces différents points? D'abord, pour la question du logement. Moi, je réponds à une question générale, sur tous les points. Je crois que pour résoudre ces problèmes douloureux, il faut d'abord une compréhension. Il faut un travail commun. Il faut accepter de collaborer avec les intéressés eux-mêmes. Parce qu'elle est seule qui sait quels sont ses besoins. Et on ne peut pas décider en dehors de quelqu'un sans savoir quel est son besoin immédiat. Parce qu'il pourrait être quelqu'un qui peut trouver lui-même de logement, mais il ne peut pas trouver lui-même pour le travail. Est-ce qu'il existe des organismes français qui s'occupent de cette question de logement pour les travailleurs étrangers? Il y en a beaucoup, même trop. Il y en a trop. Donc il manque un organisme centralisé? Centralisé, efficace, qui pourrait contrôler à tous ces organismes pour qu'ils puissent faire un travail efficace. Si on avait les possibilités, nous, de nous faire connaître à le français moyen, je dirais peut-être un jour futur, à tout le peuple français, parce que ce que nous côtoyons déjà, c'est déjà une certaine espérance de vivre meilleur avec eux. Ce n'est pas pour moi que je fais cette prière, mais pour ceux de ma race qui, du fond des ténèbres, leurs mains noires tendues, réclament leur pain et leur vin. Pour moi, mon cœur païen s'enivre. Je n'ai jamais les pieds en repos, mais à eux, donne des foyers pour les réchauffer dans des demeures au haut d'une colline. Pour moi, ma foi est en jachère, je ne m'incline que lorsque je vois. Mais eux sont humbles, et ils croient. Bénis leur crédulité. Pour moi, je paie mes dettes en nature, et je ne vois point de meilleure façon, mais bénis ceux qui tournent aussi l'autre joue par amour pour toi, et qui prient. Notre Père, Dieu, notre frère, Christ, ainsi nous enseigne-t-on à prier. Mais cette parenté semble bien peu de chose à ceux qui pleurent tout le jour. Notre Père, Dieu, notre frère, Christ, sommes-nous donc des parents bâtards? Pour qu'à nos plaintes tes oreilles soient sourdes et tes portes verrouillées du dedans. Notre Père, Dieu, notre frère, Christ, relève à nouveau ma race. Alors, tu retrouveras la brebis noire que je suis et mon cœur païen. Amen. Quand les travailleurs sénégalais ont fini leur travail, que font-ils en général? Est-ce qu'ils sont trop fatigués pour se distraire ou bien est-ce qu'ils ont quand même la possibilité de faire quelque chose? En fait, quand même, vous savez, c'est assez dur. Parce que l'homme qui réveille à 5h du matin ou 4h du matin, parce que nous sommes des musulmans, on fait les prières avant de partir au travail. Alors, on prend le premier métro à 5h30, aller travailler, soit celui qui va à Renault, Flin ou Simca, etc. Il restait toute la journée dehors, il rentre que 8h, 8h30 du soir, il faut qu'il dîne, il faut qu'il le prépare encore pour Gamel de demain. Vous savez, c'est assez difficile à déplacer le soir. Enfin, le dimanche, ou samedi ou dimanche, en général, samedi, celui qui ne travaille pas, parce que la majorité encore, il travaille samedi malheureusement, mais celui qui ne travaille pas, il a des courses à faire, soit pour acheter son déjeuner, personnel, oui. Quoi. Alors le dimanche, il y en a qui vont au cinéma, d'autres ils restent quand ils ont une salle comme celle-ci, ils jouent les cartes, ils discutent entre eux, parce qu'il y a toujours quand même, ce sont des communautés, ils parlent l'histoire de leur pays, de leur histoire personnelle, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont des amis français ou très peu? En fait, il y en a qui sont des amis français. Moi-même, j'ai des amis français, beaucoup, malgré que j'ai des difficultés, certains français, mais j'ai quand même beaucoup d'amis français. Est-ce que vous ne sentez pas quelquefois le manque d'une présence féminine? Si, ça c'est une question primordiale aussi pour tout Africain comme moi. Parce que en Afrique, à l'âge de 15 ans, on est plus vierge, vous le savez très bien. On est plus vierge. Alors, ça joue aussi. Est-ce que vous avez une amie française? Oui, j'ai une amie française. Est-ce que elle vous rend votre affection? Oui, à peu près, oui. À peu près. Oui. Parce qu'on n'a pas la même façon de concevoir les choses. Est-ce que les amis français, garçons de cette fille, voient votre amitié avec elle d'un bon œil ou est-ce que ça les agace? Non, ça ne les agace pas. Ils sont bien gentils avec moi. Ils sont beaucoup gentils. Il y en a quand même qui ne sont pas racistes. Je me rappelle cette année quand j'étais avec mes frères à l'estage agricole dans les Tarn-et-Garonne. Il y a une chose qui m'a frappé. On devait prendre le train à 9h. Arrivé juste, il y a des trains qui nous passaient au nez. Et on a retourné dans un restaurant. On dit, bon, on va profiter à dîner en attendant que l'autre arrive une heure plus tard. Et on installe dans une table et il y avait d'autres qui dînent derrière nous. Il y a un vieux qui fait un, moi je sais pas, des tonnes de poids, qui fait une réflexion de propriété. Mais tiens, vous recevez les noirs, c'est vous? Alors, avant que je tourne le dos pour répondre, et le propriétaire il répond que monsieur, nous sommes en République. Ici, nous recevons tout le monde. Pensez-vous que notre civilisation française, par exemple, est supérieure aux civilisations africaines en général? Qu'appelez-vous africaine? Africaine, c'est-à-dire pour le. Enfin, noir. C'est ça, la civilisation noire. Écoutez, je... Disons que nous sommes. Oui, nous sommes un peu plus civilisés par rapport aux Africains, mais par rapport aux. Il y a beaucoup de pays qui nous valent et de loin. On a dit souvent que, par exemple, les Africains n'étaient pas doués pour les mathématiques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je ne sais pas, mais enfin, j'ai rencontré pas mal d'Africains qui étaient plus doués que moi, et je suis peut-être pas doué du tout, alors. Non, je crois que nous avons une plus grande expérience, mais le jour, nous ne sommes pas plus intelligents. C'est-à-dire que c'est une question d'expérience. Les Grecs ont été plus intelligents que les Romains plus intelligents que les Gaulois, et puis, avec l'expérience, leur intelligence se développera. Nous avons simplement vécu 10 siècles de civilisation de plus que... Et nous en avons profité, mais ce n'est pas une question d'intelligence supérieure, je crois pas. Pour moi, c'est des grands gosses. Ils viennent très souvent, ils sont très gentils, mais dans le fond, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne les connaît pas. Ma sœur a épousé un Grec qui, morphologiquement, et de par sa culture, a peu de différence avec un Arabe. Et ma foi, je l'aime beaucoup, c'est un chic type. Et de toute manière, à notre époque... On est cultivé quand même en France, heureusement. On sait qu'il n'y a aucune différence à l'origine entre un cerveau blanc et un cerveau noir. D'ailleurs, ils ont tous la même couleur. Vous n'estimez pas que les Français, par exemple, sont supérieurs aux Arabes parce qu'ils ont inventé, par exemple, la machine à vapeur? Oh non, je pense qu'il fut un temps où les Arabes ont inventé d'autres choses qui nous ont rendu service, ne serait-ce que pour écrire. Pensez-vous que les Algériens sont paresseux? Alors ça, je sais pas. Et les Noirs? Dans leur pays, oui. Ça dépend des Algériens, déjà, premièrement. Vous-même, épouseriez-vous facilement, par exemple, une noire? Ah non, ça non. Pourquoi? C'est pas, question peut-être. Et une Algérienne? Non, non plus. Non plus. Une Italienne? Oui, oui. Il y a donc une différence de civilisation, peut-être? Oui, oui, c'est ça, oui. Si vous aviez une chambre à louer, ce qui évidemment n'est peut-être pas le cas, la loueriez-vous facilement à un étudiant africain? Oui, pourquoi pas, oui. Ça ne me dérange pas du tout. On peut être ami avec un Africain, mais de là à se marier, c'est une autre histoire. Oui, oui, c'est exactement ça. Je suis marié à une Française. Ma femme, elle a des amis français, mais moi je n'ai pas des amis parce que une fois, une copine à ma femme, elle a voulu nous inviter, mais son ami n'a pas voulu du fait que je suis un noir africain, comme il dit lui, les noiraf. Votre femme est de quelle région? De France? Nevers. Comment l'avez-vous rencontrée? Je l'ai rencontrée rue de la Harpe, dans le 5e arrondissement. Comme ça, c'est par hasard. Ça va faire 2 ans de ça. Est-ce qu'elle était ouvrière? Est-ce qu'elle avait un travail? Oui, elle travaillait. Elle était démonstratrice à la compagnie Saint-Ger. Vous avez des enfants? Non. Mais vous pensez peut-être en avoir un jour? Bien sûr, d'ailleurs, je suis en train de chercher un logement. Parce que pour l'instant, on habite une chambre de bonne dans le 6e arrondissement. Et malheureusement même, cette chambre d'ailleurs, quand ma femme elle a été toute seule, il n'avait pas d'histoire. Mais depuis que la propriétaire elle a su que j'habite avec elle, bien sûr, il n'essaye pas de la convoquer, de lui dire qu'il est cet Algérien. Vous savez qu'ils sont des assassins, des tueurs. Un de ces jours, il va vous laisser tomber, puis il ne se mariera jamais avec toi. Et puis si tu restes avec lui, je vais vous expulser. D'ailleurs, je suis en train de chercher quelque chose pour éviter les histoires. D'ailleurs... Vous savez, on dit que les apparences sont souvent trompeuses. La propriétaire, elle ne m'a jamais parlé. D'ailleurs, elle ne me parle pas. Elle est très raciste. Ça, je vous l'assure. Je la rencontre maintes fois, alors on me dit, ne venez pas chez moi, c'est mon immeuble, c'est moi la patronne, ne montez pas chez moi. Alors automatiquement, il fut un temps, moi j'habitais à l'hôtel, et puis ma femme, elle habitait là-bas, dans sa chambre, en fin de bonne. Dans ce logement où habite votre femme, est-ce qu'il y a d'autres Algériens ou est-ce qu'il y a que des Français? Il n'y a que des Français. Quand ils vous voient, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous évitent ou qu'ils préféraient ne pas vous voir? Ils préfèrent pas me voir, ils m'évitent. Vous le sentez? Je le sens. Il me le montre même. Si vous aviez des enfants, vous préféreriez les faire élever en Algérie ou en France? Pour l'instant, je préfère les élever en France. Mais quelle nationalité choisirait-il? La nationalité algérienne. Le problème le plus important, je crois, c'est celui de l'éducation des enfants. C'est là où le vrai problème, parce que celui du choix de la nationalité, bon, c'est une question de commodité et qui est très soluble, puisque les lois existent et qu'on peut demander et on peut obtenir. Alors précisément, à votre avis, est-ce que les jeunes Français sont élevés dès leur enfance avec des sentiments racistes, dans cette idée du racisme? Ils sont élevés peut-être dans le sentiment de la supériorité, mais pas tellement dans le sens du racisme, aller refuser, je sais pas. Vous comprenez, comme aux États-Unis, par exemple, un petit blanc n'a pas le droit d'aller jouer avec un petit nègre parce que les parents lui disent c'est interdit. En France, on n'a pas de ça. Sur cette question, je distinguerais, si vous voulez, les sentiments racistes et les attitudes racistes. Je ne crois pas, pour ma part, que les jeunes Français soient élevés avec des sentiments racistes. Certains Français, certains jeunes, ont des attitudes racistes qui sont... Qu'ils ignorent, d'ailleurs. Non, les sentiments racistes, ils peuvent les ignorer. C'est-à-dire qu'ils peuvent les véhiculer parce qu'ils sont contenus dans une certaine culture qui, manifestement, est raciste dans la mesure où elle tend à ignorer ou à se prétendre supérieure aux autres. Bon, ils transportent donc ces sentiments. Mais il y a les attitudes racistes. Mais ces attitudes racistes, chez les jeunes, sont souvent le fait des attitudes des parents, de l'éducation familiale. Je vais donner un exemple précis. J'ai un fils de 7 ans qui va à l'école. Il a un petit copain de son âge. Eh bien, l'autre jour, il vient me dire, tu sais, papa, la maman de Thierry m'a dit que sa maman ne voulait pas que je joue avec lui parce qu'elle dit que j'ai du caca sur la figure. Hein? Bon, Thierry, qui n'a pas de sentiment raciste, devant cette attitude raciste de sa maman, a demandé à Arnaud, est-ce que tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux qu'on aille jouer chez toi? Oui, évidemment. Voilà. Et le gros problème pour moi, c'est justement de persuader mon fils que son camarade n'a pas de sentiment, ni absolument pour rien, puisque tout dans son attitude, il a toujours été aussi copain. Enfin, j'ai les questionné pour bien voir que Thierry était toujours aussi copain, il s'entendait toujours aussi bien. Donc, il ne fallait pas qu'il fasse des implications sur ce qu'avait pu dire la maman Thierry et Thierry. Et plus tard, je pense pouvoir lui expliquer qu'il y a des gens qui sont racistes pour des causes qui sont peut-être explicables, mais enfin, qu'il y en a. Mais je pense que, étant donné son âge, il vaut mieux qu'il continue à jouer avec Thierry, qu'il ne parle pas de la question. Le racisme, c'est très difficile à le faire disparaître, parce que le racisme, il est né, je crois, sur le plan social. Ça vient du social. Il y a un égoïsme, orgueil, qui joue, je crois que c'est les deux mots qui transforment le racisme. Il y a l'homme qui voudrait qu'il soit toujours resté supériorité de l'autre. Je crois que le racisme, ça vient de là. Vous êtes algérien. Quel âge avez-vous, Saïd? 23 ans. Vous êtes étudiant, je crois, en philosophie. Étudiant en philosophie, oui, à la Sorbonne. Depuis combien de temps êtes-vous en France? Depuis 17 ans. Pensez-vous que les Français sont racistes? Oh, je le pense profondément. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une histoire qui m'autorise et qui me permet de dire qu'ils sont racistes à travers un certain nombre de faits que j'ai eu à vivre, tant dans mon histoire, entre guillemets, intellectuelle, que dans mon histoire sociale et privée. Ce racisme, à votre avis, s'est-il manifesté d'une façon plus virulente après l'indépendance de l'Algérie? Je crois que c'est une question enfin importante pour moi, du moins, qui a eu l'occasion de vivre les événements d'Algérie, enfin de les vivre d'une manière indirecte, puisque j'étais à Paris et que, malgré tout, je restais en contact avec des amis et une certaine couche sociale algérienne. je crois que j'ai eu vraiment à les vivre d'une manière assez intensive et d'une manière assez cruelle. Parlons d'abord de l'histoire. Comme je vous disais, j'étais là depuis 17 ans. J'ai donc eu comme principale charnière de cette époque de 62 où le racisme a pris un nouvel essor et a pris un essor, disons, plus traumatisant pour moi, beaucoup plus traumatisant qu'il ne l'était auparavant. J'ai eu à souffrir d'un certain nombre de manifestations, à savoir ce qui était beaucoup plus déchirant pour moi, et un certain nombre de découvertes. Un certain nombre de découvertes que j'ai faites parmi un milieu dans lequel j'évoluais déjà depuis tout un passé, 5, 6 ans, 7 ans, peut-être, que j'avais l'impression de posséder totalement, et qui, à la faveur d'un événement aussi important que l'indépendance d'Algérie, a eu l'occasion de me dévoiler un visage tout à fait autre, le visage du parfait raciste. Je suis revenu à Paris en septembre 63, parce que les conditions économiques et sociales qui existent en Algérie ne me permettaient pas, avec le niveau intellectuel que j'avais, de poursuivre des études en Algérie. Je trouvais encore, par un certain nombre d'attaches, en France, un libéralisme intellectuel qui m'autorisait à revenir en France, à m'inscrire en Sorbonne et à voir les problèmes d'une manière un peu plus profonde. Je suis revenu en France et en partant de là-bas, je me suis dit, mais je connais très bien la France depuis 16 ans. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. J'ai pas mal d'amis, j'ai des gens qui peuvent m'aider, j'ai des gens que je peux contacter, j'ai des gens à qui je peux crier, que je suis dans la débâcle plus ou moins. Je suis donc revenu en France à cette époque-là, avec très peu d'argent en poche, habillé d'une manière tout à fait triste. Je suis revenu. Mon premier réflexe a été de prendre sur le carnet personnel que j'avais un certain nombre de numéros de téléphone. Et j'ai commencé à les faire par ordre alphabétique, comme vous pouvez le faire vous aussi. A, téléphoner à André, je téléphone à André, voilà, c'est Saïd qui est revenu, etc. Dans des conditions qui m'obligent à faire appel à toi, peux-tu m'aider pour trouver une chambre, peux-tu m'aider, etc. C'est justement à ce moment-là que le vrai visage de André s'est révélé en me disant, mais mon pauvre vieux, pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Première déception, ça s'est passé exactement à peu près 3 heures après mon retour. Tout ce qu'il restait de mon drame, c'était une paire de souliers. Je les regardais. Ils étaient noirs, ils riaient. 8 ans en France, 5 ans en prison, 3 entre 2 portes de prison, un rêve grandiose et mort de gangrène, emprisonné en une seule femme, un amour de bicot. Mais ça sera toujours ainsi, l'on continuera d'abattre la vache ou le veau, viande débitée, mangée, os devenue colle ou agent de blanchiment. Le souvenir même du bovidé sera depuis longtemps mort qu'il en subsistera le cuir. Rien ne se perd pour l'homme. Je ne dirai jamais à ceux qui sont restés en Afrique, mais que travaillent comme intenir le mariage de l'Europe, d'expédier simplement leurs souliers. Tout ce que peut faire un bucco en Europe, marcher. À la recherche du bonheur. Non plus ne leur dirai qu'un palmier dattier s'y atrophie, y meurt beaucoup moins de gel que de restrictions, d'air, de vie, d'espace, de temps, de soleil, d'amour, tout comme un enfant de la terre fait de chair, d'os et d'instinct, et de rien d'autre, ou qu'au préalable, ils y amènent leur air, leur espace, leur soleil, ni que la propagande livresque, journalistique ou philosophique ne vaut ce qu'elle vaut, affirmation issue du doute. Non. Non, je ne leur dirai rien de tout cela. Ils ont d'autres yeux que les miens, d'autres nerfs, d'autres bonnes volontés. Et peut-être viendrait-il un temps de compréhension, sinon de miséricorde. Avez-vous actuellement des amis français? Pas beaucoup. Même presque pas du tout. Je crois qu'on peut les compter. Alors, en somme, vous vivez en France pour faire vos études, mais tout à fait étranger, au fond, à ce pays. Je suis tout à fait étranger dans certaines situations. Je vais vous expliquer. Enfin, comme ça, à première vue, j'ai pas mal d'amis. Enfin, je vais dans les cafés après mon service au lycée de Sèvres. Je descends au café, je bois un coup avec eux, on discute. On parle d'une manière la plus large possible de l'automobile, enfin de l'arbre à cam en tête. On parle des petites voitures qui sont sorties dernièrement, du circuit de Montlhéry. Mais on ne parle jamais de politique, on ne parle jamais de racisme, on ne parle jamais de problèmes qui peuvent éventuellement déclencher une réaction de ma part ou de la leur. Ça, je crois qu'ils sont conscients, et je crois que moi aussi j'en suis conscient. Alors à ce niveau-là, j'ai beaucoup d'amis, comme tout le monde peut avoir beaucoup d'amis. Enfin, le prolétaire a beaucoup d'amis, parce que même avec son patron, il peut boire un coup, mais c'est là que s'arrête nos relations. Des véritables amis, j'en ai quelques-uns, mais, c'est dommage à le dire aussi pour eux, ils me forcent à évoluer dans leur milieu. Comme je sais que ce sont les seules personnes sur lesquelles je peux véritablement compter, Ils me forcent à évoluer dans leur milieu, à les voir très souvent, à les voir dans des conditions très spéciales, ou chez moi, ou chez eux, ou aller dans un café que l'on connaît bien, où l'on connaît le patron, où l'on connaît le serveur, où l'on connaît les éléments. Si vous voulez, ils me forcent à vivre en cage. Mais c'est à travers des discussions sur des tierces personnes que les problèmes se posent. Pour expliquer un petit peu, je parle de vous, vous êtes mon ami, on parle d'une tierce personne là-bas qui est un noir, etc. Alors là, c'est là que je vois mon ami utiliser des arguments racistes et de dire, tu as vu, etc., comment il agit, comment il fait, t'as vu s'il est sale, t'as vu ceci. Mais il oublie que je suis en face de lui et il oublie que je présente exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes symptômes que ce noir qui est au comptoir. Ça, on préfère l'oublier. Avez-vous l'impression qu'il y a chez les Français une espèce de conception de hiérarchie, si vous voulez, des races? Oh, ben énormément, bien sûr. Il y a d'abord le bico à l'état pur, il y a l'Algérien qu'on a éduqué, auquel on a donné l'occasion de s'assimiler dans une certaine culture, celui-là c'est l'intellectuel, et on se le dispute pour ami. Mais par malheur, moi je refuse qu'on me dispute pour ami. Alors je provoque toujours évidemment pas mal de dissensions, de frictions, de bagarres, où je me retire totalement. Moi je refuse totalement que l'on pose ses problèmes en ces termes-là, et qu'on se dise, celui-là au moins c'est un cultivé, et puis on peut discuter avec lui, celui-là il fait partie de nous. Donc vous vous sentez au fond tout à fait solidaire de vos compatriotes? Je me sens tout à fait solidaire de mes compatriotes et là je m'accuse moi-même, je fais du racisme à rebours. Ici en France, il y a l'Amicale des Algériens en Europe qui est un organisme qui s'occupe de toutes les migrations algériennes, soit pour les orienter dans la formation professionnelle, soit pour leur trouver du travail, soit dans la mesure du possible aussi pour essayer de leur loger. Quand il y a vraiment des cas très nécessiteux, des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de logement, à ce moment-là, nous essayons de leur trouver et du logement et du travail. Et aussi, nous leur donnons des secours en espèces le plus souvent. C'est surtout pour mes frères travailleurs que j'ai des problèmes à résoudre, puisque je suis leur assistante sociale. Nous avons 2-3 entreprises qui sont amis avec nous et qui nous prennent le travailleur. Vous connaissez l'histoire de l'offre et de la demande. Nous avons plus de demandes d'emploi que d'offres. Est-ce que ça ne tient pas aussi un peu au fait que cette main-d'œuvre souvent n'est pas très spécialisée? Nous avons essayé de placer des gens spécialisés. Je ne sais pas, je pense qu'un grutier est un ouvrier spécialisé. Eh bien, nous avons eu beaucoup de mal à le placer. Donc on prendrait beaucoup plus facilement un travailleur sans qualification pour lui faire des travaux que des Français n'ont pas envie de faire. Les routes de France, je crois qu'elles sont construites par des Arabes, non? Dans quelles conditions d'hygiène vivent-ils, en général, ces travailleurs algériens? Eh bien, dans les bidonvilles, vous visiterez certainement Nanterre, et vous verrez les conditions d'hygiène. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les baraques sont faites en bois, en tôle, ça prend feu tous les hivers. Et l'an dernier, nous avons perdu une famille entière dans un incendie. Pour un travailleur algérien qui, par exemple, débarque à Marseille, comment les choses se passent-elles? Ah, les choses se passent très très durement. Je suis sûr, vous prenez Marseille justement, où la police est très dure. Le port est inhospitalier au dernier degré. On vous demande une tonne de papiers qui doivent tous être en règle, signés avec un cachet. Et ce sont les employeurs français qui doivent vous donner ce cachet. Donc ils font un contrat de travail. Absolument. Pour venir en France. Absolument. Et si ce contrat n'existe pas, vous êtes refoulé? Oh oui, et tout de suite. Enfin, dans les 24 heures qui suivent, vous ne sortez pas du port. Un Algérien qui vient de Kabylie, je crois que c'est le même problème exactement pour tous les Algériens qui viennent de toutes les régions. D'abord, s'il vient en France, c'est parce que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas tellement de travail pour tout le monde. Il vient ici, c'est pour travailler, essayer de faire vivre sa famille ou ses enfants s'il est marié, et aussi dans l'espoir de faire un peu d'argent de côté et pouvoir redescendre un jour en Algérie. Et s'il avait aussi des moyens d'essayer d'apprendre, de profiter qu'il est là, d'essayer d'apprendre un métier pour pouvoir retourner en Algérie avec un métier. Mais malheureusement, plus souvent, ses espoirs ne se réalisent pas. Parce qu'il vient en France, il reste 5 ans, 10 ans, 3 ans, cela dépend. Et il retourne en Algérie comme il est revenu, c'est-à-dire pas d'argent. Tout juste le voyage avec un peu d'argent sur lui. Seulement il retourne peut-être malade ou il retourne très vieux. En 57, c'est la première fois que je suis venu en France, en 57. Vous veniez de quel coin d'Algérie? De Batna. Qu'avez-vous fait quand vous êtes retrouvé tout seul sur le port? J'ai pris un taxi, j'ai cherché un hôtel pour passer la nuit. Et l'endommage, j'ai trouvé un ami, j'ai passé un mois chez lui. Après, je me suis démerdé pour trouver une chambre. Vous avez réussi à trouver du travail assez vite ou ça a demandé du temps? Non. J'ai resté 3 mois sans travail. Et que faisiez-vous pendant tout ce temps-là? Je fais rien. Et pour manger? C'est les copains qui me donnent manger. Vous n'aviez plus d'argent? Non. Ce Marseille, vous semblait-il très différent d'Alger, par exemple? Beaucoup, même. Pourquoi? Parce que Marseille, surtout Marseille, il y a beaucoup de racistes. Et ils prennent des Algériens comme des... Je sais pas, moi... S'il y a quelque chose, toujours un Algérien qui l'est en tête. S'il y a un accident, c'est l'Algérien. S'il y a quelqu'un qui est mort, c'est l'Algérien qui l'a tué. S'il y a un vol, c'est l'Algérien qui l'a volé. Toujours, c'est des Algériens, mais les Algériens, ils n'ont jamais fait quelque chose. Toujours, c'est des Algériens, toujours. Combien de temps êtes-vous resté à Marseille? 8 ans. Et pourquoi êtes-vous monté à Paris? Je suis venu en vacances à Paris pour passer juste 15 jours. Ça me plaisait, j'ai resté. Mais alors à Paris, est-ce que vous êtes trouvé devant les mêmes problèmes? D'abord trouver un logement, ensuite trouver du travail. Et comment faire? Oui, le premier jour, j'ai trouvé du travail. Le premier jour? Le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai trouvé du travail. Alors, vous deviez être content. Pas tellement, mais même si j'étais content, pas... C'était quand même une chance inespérée de trouver le premier jour du travail. Moi, si on avait de la chance, on ne sera pas ici. Celui qui a de la chance, il sera chez son pays, avec ses parents, avec sa famille, avec tout. Mais celui qui n'a pas de chance, il est toujours dans l'étranger. Il y a beaucoup de Nord-Africains. Les enfants qui jouent dans les rigoles, avec l'eau des bassins, les yeux noirs et agiles, on pourrait se croire en Algérie. Face à la bibliothèque, place de la mairie, on peut les voir assis sur le bord d'une fontaine, à côté de pigeons familiers et confiants qui sentent peut-être chez eux le pays où leur sœur Hirondelle s'en vend tous les ans. Ceux qui ne sont pas employés aux mines de Gardanne ou aux barrages travaillent pour la plupart dans le bâtiment. Ils ont ceci de particulier qu'ils vivent en famille. Et c'est un spectacle quelque peu insolite de voir parfois déambuler les robes larges et bariolées d'une femme berbère ou trancher le turban clair d'un vieil exilé qui ne s'est pas résigné à porter casquette ou aller nu-tête. Saïd n'aimait pas voir ses orphelins de mère patrie. Il n'aimait pas deviner leurs soucis de coquetterie, leurs nœuds de cravate trop gros ou trop pincés. Il n'aimait pas les voir se promener deux par deux, le dos légèrement voûté, emporté dans une de ces discussions qui ne finissent jamais à la poursuite d'un but de flânerie qu'ils ignorent. Épave abandonnée sur un rivage généralement hostile ou indifférent. La nuit, les rues se vident. Que voulez-vous, les coups de couteau, agresseurs de taxi, maudits, condamnés, forçats de la sueur? Il y a quelque chose d'héroïque dans leur présence. Ils vivent, c'est une façon de parler, chez ceux qui les méprisent, chez ceux qui les fuient. Alors ils vivent, c'est une façon de parler, entre eux. La même cargaison de malheur, déracinés, transplantés. Ils vivent, c'est une façon de parler. Et rien n'est plus poignant que cette gandoura ou ce turban que vous apercevez parfois. Il faut sauver tout ce qu'on peut sauver. Et ces petits gamins de la rue, s'ils se mêlent un accent provençal à leurs mots, c'est quand même en arabe qu'ils parlent. Ici, comme ailleurs, c'est le même refrain. C'est la même rengaine. Lune froide au soleil. Les Algériens sont des problèmes. Moi, je suis algérienne, je vois beaucoup les bidonvilles. Et les femmes qui sont là, ce sont des femmes analphabètes qui arrivent pour suivre leur époux. Et elles ont tout de suite les problèmes de logement, d'argent, d'enfants élevés. Une femme qui arrive du bled algérien, elle a les difficultés déjà de vestimentaires. Elle n'arrive pas à s'habituer à s'habiller avec une jupe courte et à enlever le foulard qu'elle a sur les cheveux, que la tradition lui demande de garder. La tradition est souvent la religion. Par exemple, une femme indienne arrive, je parle des Indes, arrive en France habillée avec un sari, on trouve ça charmant, merveilleux, oiseau des îles. Alors qu'une Algérienne qui arrivera avec ses grandes robes brodées, ce sera automatiquement la sauvage qui arrive en France et qui viendra perturber le calme qui existe dans le quartier. Et alors ça a plein d'enfants, ces gens-là, et on ne leur loue pas, à n'importe quel prix d'ailleurs, c'est difficile pour eux de trouver un logement digne de ce nom. Même si le couple arrive seul, ils feront des enfants d'ici peu. Automatiquement, ils ne savent pas comment ne pas faire d'enfants. Ce sont des sauvages aux yeux des propriétaires, des gens qui louent. Bon, mais alors comment peut-on résoudre ce problème ? Bien, le problème, je crois que c'est un problème d'État-État. La France a besoin de nos manœuvres. Je crois qu'il y a des discussions entre l'État algérien et l'État français à ce sujet. Et la moindre des choses, c'est que automatiquement, un homme qui vient travailler pendant 2 ou 3 ans a besoin d'emmener sa femme et ses enfants. Il y a un problème affectif qui se pose, et il se pose aussi bien pour une femme que pour un homme. Ici, nous sommes sur ce qu'on appelle un bidonville. À qui appartient le terrain ? Je crois que le terrain automatiquement appartient à la municipalité. Mais je crois que la préfecture a un droit de regard, a des droits sur les terrains. Est-ce qu'il y a un accord qui est passé, par exemple, entre l'amicale des travailleurs algériens et la préfecture ou la commune ? Non, malheureusement, il n'y a pas d'accord. Il y a des contacts. L'amicale essaye, par ses contacts, de reloger le plus souvent des Algériens, d'essayer de les faire sortir de ces bidonvilles, pour essayer de leur donner quand même un petit logement décent, pour qu'ils soient beaucoup mieux, qu'ils aient une vie quand même assez digne. Je pense que l'État doit pourvoir au logement des Algériens venant ici, qui est inadmissible, qui vivent dans des bidonvilles, dans l'État où ils vivent actuellement, c'est pas possible. Et le problème se pose également pour les Tunisiens, qui vivent dans une pièce, une petite cuisine, à 10, et qui cherchent depuis 3 ou 4 ans un logement, un HLM de 5 pièces pour eux. Mais malheureusement, vous constatez qu'il y a encore ces bidonvilles qui demeurent. Et dernièrement même, il y a eu des expulsions à Nanterre. Il y a eu des gens qui sont dirigés vers des foyers de Ronny alors qu'ils habitent là ou qu'ils travaillent à côté. Donc malheureusement, ils sont obligés ou de quitter le travail ou de ne pas se rendre à Ronny parce que c'est trop loin. Dans cette pièce où nous sommes, il y a combien de personnes qui y vivent ? Je crois qu'il y a 6. Il y a 6 personnes. Vous voyez, c'est une pièce qui fait environ 3 mètres sur 2,50 mètres, qui n'a même pas 2,50 mètres de hauteur. Comment se lave-t-il ? Ben, il se lave dehors. Vous voyez, il n'y a rien. C'est une petite pièce. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que des lits. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de WC, il n'y a absolument rien. Ils cherchent de l'eau dehors, ils essayent de se laver le plus possible. S'il fait froid, ils se lavent dans la chambre. Sinon, ils se lavent dehors. Et bien entendu, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage, alors que justement, c'est ce qui est même, on peut dire, la preuve que personne ne fait quelque chose pour les Algériens, alors que l'on voit une rue juste à côté qui est éclairée, une rue, une voie publique, alors que la municipalité ou les autorités françaises n'essaient même pas de faire entrer l'électricité dans les baraques, alors que c'est très facile de le faire. Quand des familles algériennes ou des travailleurs algériens sont expulsés ? Le plus souvent, ils les relogent. Il y a des cas, parce que les autorités françaises font le plus souvent des recensements, malheureusement qui ne sont pas souvent justes. Parce qu'il faut le dire franchement, ils n'essayent pas tellement de se casser la tête. Nous avons eu le cas de les voir, ils passent par des baraques, ils ne prennent pas des noms, ou sur 6 noms, ils prennent 4. Alors ce qui fait que le jour de la destruction du bidonville, tout d'abord le jour même de la destruction du bidonville, ils amènent la police. Ils amènent des policiers qui font presque sortir de force les Algériens de chez eux. Le jour même, ils les font inscrire dehors. Et il y a même des Algériens qui n'ont pas eu le temps de prendre leur linge qu'on commence à détruire les bidonvilles. Et ils les amènent très loin. Ils ne se penchent pas sur leur cas. Ils n'essayent pas de comprendre s'il y a un Algérien qui habite là et qui travaille à côté. Ils n'essayent pas de faire en sorte de lui donner un logement, c'est-à-dire une pièce dans un foyer à côté. Ils l'emmènent aux 400 diables. Et à ce moment-là, l'Algérien est obligé de ne pas s'y rendre ou alors obligé de quitter le travail. Et s'il quitte le travail, il ne pourrait pas payer son loyer. S'il ne paye pas son loyer, automatiquement, il quitte. On l'expulse du foyer. Alors, cet Algérien se retrouverait toujours dehors. Alors, ce qui fait que le plus souvent, les Algériens ne se rendent pas dans les foyers où on veut les emmener parce que c'est trop loin de leur lieu de travail. Et malheureusement, ils ne se penchent pas sur ces cas. Rebelle à la face du jour, et malgré ta haine, je te salue, Paris. Ton printemps a la senteur de tes vieilles barricades et tu sembles une jeune femme déjà antique qui a cessé d'offusquer le tyran. Un peuple farouche derrière son buste à la mesure de la victoire. Qui a cessé d'envahir le futur pour pratiquer le long désir éventé de la courtisane ou celle d'une conquérante hagarde qui envoie ses hommes au massacre d'autres hommes afin de préserver son caprice. Pourtant, tu es pour moi une connaissance aveugle. J'ai vu à ton passé que mon présent parfumé de salpêtre ne différait en rien de ta profonde révolte. Puis, affrontant ta beauté, j'ai su que tu n'étais qu'un vêtement couvrant un simple squelette. Ton souvenir n'est pas suffisant pour parfaire ton éloge. Tes marbres et tes pierres, tes portiques et ton fleuve seraient mieux à leur place si tu négligeais ton crime. Et je ne confonds pas ton acte et ton symbole, car c'est non loin des boulevards élégants que se pratique le passage à tabac et s'organise l'invasion de mon peuple qui a mérité ton bonnet phrygien. La France qui n'est pas la France. Une émission de Pierre Paraf. Interview et témoignages recueillis par Pierre Debrange. Texte de Léopold Senghor, County Cullen, Aimé Césaire, Claude McKay, Driss Schreiby, Kateb Yassine, Bernard Dadier. Interprété par Bachir Touré, Robert Liensol, John Littleton, Amidou et Marianne Grint. Batterie, Michel Lorrain. Chef opérateur du son, Jean-Jus Forgue. Mixage, Claude Oberlé. Collaboration technique, Jeanne Chomara. Assistant, René Albach. Réalisation, Claude Mourtet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1967. Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Demain à la même heure, nous quitterons la France, mais non l'année 1967, pour la Chine, le Vietnam, bombardé par les États-Unis, puis pour les États-Unis eux-mêmes et leur hippie, vu par Jean Renoir et Max-Paul Fouché. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassant, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.